France est heureuse, ou plutôt elle semble l'être. Le chômage n'est pas d'actualité et les grèves du service public sont liées à des réformes et pas à des problèmes de pouvoir d'achat. L'élection présidentielle du mois de décembre semble déjà jouée, à condition que le général de Gaulle soit candidat. Il le sera et glissera même à l'oreille d'André Malraux. Je ne me connais qu'un seul rival international, c'est Tintin. La rentrée universitaire a été calme en dépit de la grogne de quelques jeunes en désaccord avec le système. À la faculté de Nanterre, on prévoit 4000 étudiants cette année contre 2000 en 1964. La guerre du Vietnam ne passionne que des pacifistes qui manifestent contre les combats en prônant la paix, mais aussi l'amour. Enfin, les Beatles sont toujours là, mais les Rolling Stones arrivent. Nous sommes en 1965. Tonight, got me a date.

Il a souri, l'a embrassé, puis il a dit adieu. Il paraît qu'il avait des larmes dans les yeux. Quand il a démarré dans la nuit, il pleuvait. Elle lui a dit de ralentir, mais est-ce qu'il l'a entendu quand elle a crié « Attention ! Arrête ! Attention ! Attention !» Elle pense à lui presque tout le temps. Elle se souvient de leur bon moment. Cette année 65, Frank Alamo reprend le tube des Sangrila, leader of the pack, et s'empare de la première place du hit parade avec le chef de la bande. Nino Ferrer rend hommage aux bêtes de scène que sont James Brown et Otis Redding en chantant « Je voudrais être un noir ». Tandis qu'Abel Davray s'ouvre la première épicerie en France où le service est entièrement automatisé, elle sera d'ailleurs ouverte 24 heures sur 24. Nino Ferrer, les vous et notre premier match, c'est maintenant, c'est sur Radio Gomozo. Charles, Monsieur King, Monsieur Brown. Moi je fais de mon mieux pour chanter comme vous. Je ne peux pas grand chose, je ne peux rien du tout. Je crois que c'est la couleur de ma peau qui ira pas. Et c'est pourquoi je voudrais être un noir. Je voudrais être un noir. Comment les blancs font pour vendre les nègres à l'Argus ou pour en brûler de temps en temps. Moi je fais de mon mieux pour ne pas y penser. Je me sens très souvent très embarrassé. La couleur de ma peau me démoralise un petit peu. Les saints, les élus.

C'est divertant quand tu es là, reprise du Game of Love de Wayne Fontana, une version que je vous propose d'écouter. Sur Radio Guémozo, ça sera notre premier match. Excellent après-midi. Merci à vous de nous accompagner. Radio Guémozo, les bons moments ont toujours une musique. Come on, Snoopy! Come on, come on!

day, man. Nous avons eu les Animals, Brycan Tommy, Chris Andrews, Yesterman et Jocelyn Nitty Gritty. Représentant le Luxembourg, France Gall remporte le Grand Prix Eurovision de la chanson avec Poupée de cire, Poupée de son. Un mois d'avril décidément riche en mariages chez les rockers français, puisque le 12 à Loconville, devant 2000 personnes, Johnny Hallyday épouse Sylvie Vartan. Et le 24 à Saint-Cloud, Dick Rivers se dit oui à Micheline Davis-Boyer avec pour témoin Guy Bedos et Sophie Domier. Gilbert Bécaud rencontre Nathalie à Moscou et Claude-François Théry. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h. Merci de nous écouter. Rester toujours près de toi. Elle m'avait dit, je t'aimerai toute la vie. Il est trop tard, je ne la reverrai plus, c'est fini. Attends-moi aux portes du paradis. S'aimera toute l'éternité. Elle a pleuré, désespérée quand je l'ai quittée.

sais pas où va ce train qui m'emporte loin de toi. Je n'ai pris qu'un vieux chapeau, j'ai sauté dans ce wagon qui transporte des chevaux et j'irai où ils vont. Je change un peu de vent, c'était Joe Dassin. Juste avant, nous avions la version instrumentale interprétée par l'un des meilleurs guitaristes des années 60, Duane Eddy. Le 3 février, naissance de Stéphanie de Monaco. Innovation et ironie dans Dim Dam Dom, un nouveau magazine consacré aux femmes. Tandis que le système métrique est adopté en Grande-Bretagne en cette année 65, Michel Thor clame sa douleur discographiquement en 100 ans avec « Une fille m'a pris celui que j'aime ». Gérard, c'est rockement bon. Corina, hello world, Corinne Corina pour le son rock'n'roll, c'était Jerry Lee Lewis. 1945, Juvisy, dans la banlieue de Paris, un vendredi 13, Monsieur Belvillaca, un architecte, est auprès de sa femme qui vient de lui donner un second fils. Il le prénomme Daniel. Plus tard, il deviendra célèbre sous le nom de Christophe. Et 20 ans plus tard, il enverra les ondes des radios périphériques avec Aline, sa chanson fétiche. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Je n'ai gardé que ce doux visage comme une épave sur le sable mouillé. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré. Les Beatles, les Fingers, Goldfinger pour la partie instrumentale, les événements survenus au cours de cette année 65, Tom Jones, What News, Pussycat et Françoise Hardy, Je veux qu'il revienne, que des tubes de l'année 1965, une année que nous évoquerons jusqu'à 17h. Merci de nous accompagner. Que j'ai déjà souffert, je veux qu'il revienne pour ne plus avoir à souffrir. J'ai cru qu'il valait mieux partir, sans lui j'ai trop de peine. Je veux qu'il revienne, je veux qu'il revienne. Je veux qu'il

tout fait sur la lettre. I'm writing you a letter. Je vous lirai peut-être. I might really, perhaps. Si vous avez le temps. If you have the time. Messieurs, quel énorme gant. Men whose names are great. Je ne veux pas la faire. I don't want to do that. Je ne suis pas sur terre. I'm not on earth. Pour tuer les pauvres gens. To kill miserable men. Messieurs, qu'un homme gant, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour aller à la guerre avant mercredi soir. Messieurs, qu'un homme grand, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer les pauvres gens. Il faut pas vous fâcher, mais il faut que je vous dise, les guerres sont des bêtises, le monde ne sait. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir des frères, j'ai vu partir des pères et des enfants pleurer. Les nerfs ont trop souffert quand d'autres se gobergent et vivant à l'ores malgré le goût de sang. Il y a des prisonniers, on a volé leur âme, on a volé leurs femmes et tout leur cher passé. Demain, le bon matin, je fermerai la porte, au nez des années mortes, j'irai par les chemins. Je m'en dirai ma vie sur la terre et sur l'onde du vieux bon nouveau monde et je dirai aux gens, profitez-y de la vie, éloignez la misère, les hommes sont tous des frères, chant de tous les pays. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je serai sans armes et qu'ils pourront tirer, et qu'ils pourront tirer, et qu'ils pourront tirer. Le déserteur, texte de Boris Vian ayant été interdit sur les ondes, les Sunlight ont fait en 1965 une version modifiée de cette chanson. Tandis que Fernandel et Gino Servi tournent en cette année 65, Don Camillo en Russie. Je vous propose sur Radio Gemozo de retrouver notre troisième match. What you know is true. premier en avril 1965, les Rolling Stones The Last Time posaient pour ce troisième match où Elle m'attend de Ronnie Bird. Les Rolling Stones ou Ronnie Bird sur Radio Game Ozo, c'est à vous de choisir. Coiffure qui tient en souplesse. Cabinette. Oh Cabinette, coiffure qui tient en souplesse. Lac Cabinette. Marina Vladi. Tous les jours, je confie mon teint à Luxe Action Crème. Sa mousse prend soin de mon teint avec la douceur d'une crème. Vous aussi, choisissez Luxe Action Crème. Oh, j'ai une deuxième chaîne. Il est arrivé. Où est-il? Il est là, le téléviseur Radiola. Il est là, chez vous, bien sûr, équipé deuxième chaîne. Comme tous les téléviseurs Radiola. Il est là, avec son grand écran de 59 cm. Et si vous manquez de classe? Le plein écran, 48 cm. Pour tous les téléviseurs Radiola, le tiercé Radiola. Qualité de l'image, qualité du son, élégance de la présentation. Et une présence encore plus grande que si vous étiez sur place. Les nouveaux téléviseurs Radiola sont conçus et entièrement réalisés de toutes pièces par les 7 usines de la radiotechnique. Prestigieux ambassadeurs de Radiola, ayez chez vous l'un de ces invités de marque. Ici, deuxième chaîne. Qui dit télé, dit Radiola. Si je t'oublie pendant le jour, je passe mes nuits à te maudire. Et quand la lune se retire, j'ai l'âme vide et le

Cry in the Chapel, ce morceau enregistré le 31 octobre 1960, restera inédit jusqu'au 8 mai 1965, date à laquelle le King Elvis Presley interprétera ce gospel de façon remarquable. You saw me crying in the chapel, the tears I shed were tears of joy. I know the meaning of contentment. Now I'm happy with the Lord. Just a plain and simple child, where humble people go to pray. I pray the Lord that I'll grow strong as I live. I searched, but I couldn't find no way on earth to gain peace of mind. Now I'm happy in the chapel, where people are of one accord. Yes, we gather in the chapel just to sing and praise the Lord. You'll search, but you'll never find no way on earth to gain peace of mind. Take your troubles to the chapel. Get down. Then your burdens will be light, and you'll surely find the way. And you'll surely find the way. 65. À Los Angeles, émeute raciale sanglante dans les ghettos de Watts et Newton. À Paris, la faculté des sciences remplace l'ancienne halle au vin avec la bénédiction de Pompidou. Le designer, Héro Arnio, fait des bulles, chaises. Oh, McDonald's had a farm, yeah, oh. Et Hella, la tigresse du jazz, Scatamore. Esso met un tigre dans son moteur. Le couteau électrique fait fureur au salon des arts ménagers. L'art inspire Yves Saint-Laurent qui invente la robe Mondrian. À la télévision, le différé est utilisé pour la première fois grâce au magnétoscope. Et Sean Connery fait mouche au box-office dans Goldfinger. Assaillant un attentat a lieu contre l'ambassade américaine. Le magazine Elle consacre le mannequin Jim Shrington. La Peugeot 204 taille la route. Et la préparation mousseline dispense les ménagères de corvée. Je te dis mon âge, je te dis mon nom, je te dis mon âge, si tu me réponds, dis-moi de quoi est faite la vie, et si l'on n'est rien sans amis, si je dois sortir pour tout découvrir et préparer mes souvenirs. Dis-moi de quoi est fait la vie, mon cœur n'arrive qu'aujourd'hui. Je voudrais savoir, calmer mes espoirs, et je veux bien te croire. Je te dis mon âge, je te dis mon nom, je te dis mon âge, si tu me réponds. Dis-moi de quoi est fait l'amour. Quelque chose en moi. Le 13 septembre 1965, sorti de l'imagination d'Armand Jameau, le mot le plus long débute en fin d'après-midi sur la deuxième chaîne de télévision animée par Christine Fabrega. Ce jeu quotidien oppose deux candidats qui disposent de 7 consonnes et voyelles pour former dans le temps imparti le mot le plus long possible. Celui qui l'a trouvé avance sur une piste de 18 cases, plusieurs d'entre elles sont noires, et lorsqu'il tombe dessus, notre joueur doit répondre à une question. Gain de la partie, 300 francs. Après bien des modifications, le mot le plus long deviendra l'émission que tout le monde connaît, des chiffres et des lettres. Marjorie Noël, je te dis mon âge. Belle et Sébastien, c'est le nouveau feuilleton qui fait son apparition à la télé. Hérissé Barrier donne sa voix à Saturnin le canard. 2 heures pour évoquer l'année 1965. C'est peu, je vous l'accorde. En tout cas, c'est l'heure de se quitter. Merci de votre fidélité. On se retrouve dimanche matin entre 10h et midi pour la rediffusion de l'émission et lundi prochain en direct à partir de 15h. Et puis bien sûr, tous les jours sur radiogemozo.eu, le tout en minuscules et sans accent, notre adresse internet. Excellente fin de journée, excellente semaine sur Radio Gemozo. We'll be right back.